Ésaïe chapitre 21. La charge du désert de la mer. Il vient du désert, de la terre épouvantable, comme des tourbillons qui s'élèvent au pays du Midi, pour traverser. Une dure vision m'a été déclarée. Le perfide demeure perfide, celui qui saccage, saccage toujours. Élamite, montée, Mède, assiégée, j'ai fait cesser tous ces soupirs. C'est pourquoi mes reins ont été remplis de douleur, les angoisses m'ont saisi, comme les angoisses de celles qui enfantent, je me suis tourmenté à cause de ce que j'ai ouï, et j'ai été tout troublé à cause de ce que j'ai vu. Mon cœur a été agité de toutes parts, et un tremblement m'a épouvanté, on m'a rendu horrible la nuit de mes plaisirs. Qu'on dresse la table, qu'on fasse le guet, qu'on mange, qu'on boive, levez-vous, capitaine, oignez le bouclier. Car ainsi me dit le Seigneur, va, pose la sentinelle, et qu'elle rapporte ce qu'elle verra. Et elle vit un chariot, une couple de gens de cheval, un chariot tiré par des ânes, et un chariot tiré par des chameaux, et elle les considéra fort attentivement. Et cria, c'est un lion. Seigneur, je me tiens en sentinelle continuellement de jour, et je me tiens en ma garde toutes les nuits. Et voici venir le chariot d'un homme, une paire de gens de cheval. Alors elle parla, et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images taillées de ses dieux ont été brisées par terre. C'est ce que j'ai foulé, et le grain que j'ai battu dans mon aire. Je vous ai annoncé ce que j'ai ouï de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël. La charge de Dumas. On crie à moi de Séir, aux sentinelles, qu'y a-t-il depuis le soir? Aux sentinelles, qu'y a-t-il depuis la nuit? La sentinelle a dit, le matin est venu, mais il s'en va être nuit, si vous demandez, demandez, retournez, venez. La charge contre l'Arabie. Vous passerez pêle-mêle la nuit dans la forêt, troupe de Dédanim. Oh, venez au devant de celui qui a soif, les habitants du pays de Théma, sont venus au devant de celui qui s'en allait et rançaille avec du pain pour lui. Car ils s'en sont allés et rançaille de devant les épées, de devant l'épée dégainée, et de devant l'arc tendu, et de devant le fort de la bataille. Car ainsi m'a dit le Seigneur, dans un an, tels que sont les ans d'un mercenaire, toute la gloire de Kédar prendra fin. Et le reste du nombre des forts archers des enfants de Kédar sera diminué, car l'Éternel, le Dieu d'Israël a parlé.